France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jeanne revient, épisode 3. Notre invité, Dominique Albertini, journaliste politique à Libération et spécialiste du Front National et de l'extrême droite. Bonjour Dominique Albertini. Bonjour. Merci d'être avec nous une fois de plus pour cette série autour du Front National. Vous êtes journaliste politique à Libération, notre journal partenaire. Vous êtes co-auteur avec David Doucet de l'ouvrage « Histoire du Front National » aux éditions Talendier, collection Texto 2014 pour être précis, et du livre « La fachosphère » chez Flammarion en 2016. Alors, en quoi la place de numéro 2 au Front National est-elle si dangereuse? Et pourquoi? C'est le pire job de la politique française. C'est une place, un poste dont la plupart des titulaires, presque tous en réalité, ont fini par s'écraser. Soit qu'ils aient réellement voulu, soit qu'ils aient été soupçonnés de vouloir prendre la place de Jean-Marie Le Pen ou de son successeur désigné, Marine Le Pen. Est-ce que Jean-Marie Le Pen ne peut pas supporter l'ombre d'un rival potentiel? C'est l'explication. Au fond, ça me paraît la meilleure explication. Jean-Marie Le Pen a eu du Front National une vision patrimoniale. Il ne l'a pas créé seul. Il en a été le premier président, le seul président pendant une quarantaine d'années. Il considère que c'est son parti, qu'il en est tout à la fois le chef, la colonne vertébrale, l'inspirateur, et qu'il est irremplaçable à ce poste et qu'il ne peut pas y avoir de numéro 2. Il l'a dit, il n'y a pas de numéro 2, il n'y a qu'un numéro 1. Il y a eu de fait des gens qui ont exercé à ses côtés un rôle exécutif très important, qui l'ont aidé à diriger le Front National, à le structurer, qui ont porté la parole de ce parti. Mais lui n'a jamais considéré que il y avait en dessous de lui une hiérarchie descendante, voilà, avec un numéro 2, numéro 3. Il y avait lui, et puis il y avait les autres. Dans cette organisation verticale, qui, rappelons-le, est aussi celle de la Ve République, faut pas se voler la face, il y a comme un président qui ne l'est pas, en tout cas pas de la France, mais du Front National, qui décide tout, qui donne les directions et qui se mêle de tout. Sauf qu'il a une sorte de premier ministre à l'époque, Bruno Maigret. Je dis ça parce que c'est un stratège, c'est un battant, c'est un constructeur, un super organisateur, d'autant plus qu'il n'y a pas grand monde au FN à l'époque. Donc racontez-nous, quelle est cette relation Le Pen-Maigret au départ? Est-ce qu'on est dans une vraie relation de confiance? Non, c'est une relation, elle est bâtie sur l'intérêt mutuel. Bruno Maigret a rejoint le Front National dans les années 80. Bruno Maigret est un polytechnicien. C'est un profil qui est assez peu représenté au Front National, qui l'est toujours peu aujourd'hui, et dont Jean-Marie Le Pen est très friand parce qu'il lui permet, et on voit, ça a continué au fil des années, de professionnaliser le parti, de mettre en scène sa montée en gamme, de laisser penser qu'il est tout aussi attractif que d'autres forces politiques pour ce genre de profil. Donc Maigret l'intéresse pour ces raisons-là. Maigret est un type très qualifié, intelligent, méthodique. Professionnel, vous disiez tout à l'heure que c'était amateur le Front National, il fallait un professionnel. Et ce genre de profil surnage dans une structure qui est très lacunaire, très amateur, dépourvue de moyens, donc Maigret intéresse Le Pen pour ces raisons-là. Le Pen intéresse Maigret parce que Maigret est quelqu'un d'ambitieux qui a un peu échoué dans ses précédentes tentatives politiques hors du Front National, qui se cherche un destin et qui se persuade que le Front National est le bon véhicule pour ce destin. Il n'y a pas entre eux d'amitié. Il y a peut-être une forme d'admiration, une forme de respect ou d'intérêt pour les parcours de l'un et de l'autre, aussi différents soient-ils. Et donc, voilà, il va y avoir cette relation où chacun va essayer de s'appuyer sur l'autre pour faire avancer son destin. Et au moment où Bruno Maigret va au-delà de ça, qui commence à croire en ses chances et qu'il occupe une place, ne serait-ce qu'une petite place dans la sphère du pouvoir, là, Jean-Marie Le Pen ne supporte pas. Oui. Alors, entre le début et ce moment-là, il s'écoule quand même une quinzaine d'années, ce qui est par exemple beaucoup plus long que le séjour de Florian Philippot au Front National, où Bruno Maigret jouera les premiers rôles, sera un porte-parole important du parti, contribuera à son organisation, et puis à la fin, effectivement, ça explose au moment où Bruno Maigret constate les limites politiques de Jean-Marie Le Pen, se persuade qu'avec Jean-Marie Le Pen, on ne prendra jamais le pouvoir, et qu'il est décidément le mieux placé pour parachever l'édifice. Et donc ça, c'est la scission de 98-99, dont il n'est pas dit au début qu'elle soit vouée à l'échec. Je prends toujours la comparaison avec Florian Philippot, qui s'en va avec quelques troupes, quelques élus, peu de moyens, Bruno Maigret, il s'en va avec quasiment la moitié du parti, oui. Avec énormément d'élus, oui. Avec beaucoup de militants, parce que ce sont des gens qui font le même constat que lui, qu'avec Jean-Marie Le Pen, on n'y arrive plus. Donc voilà, c'est pas... Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas marché, que ça n'a pas marché assez vite. J'ai envie de dire, pourquoi faire ? Partir voilà. Avec la moitié du Front National pour arriver nulle part ? Voilà, mais un échec quand même. Et c'est un précédent d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est un avertissement à tous les numéros 2. On sait que Bruno Maigret, qui est parti sur ses bases avec presque la moitié du Front National, ça n'a pas marché. Donc, c'est ce qui permettait, par exemple, de dire à Florian Philippot, avant qu'il ne s'en aille, que c'est une entreprise un peu risquée. Voilà. Mmh. Il a posé un précédent. On quitte le Front National à ses risques et périls. Mais pourquoi il perd finalement, Bruno Maigret ? Alors, il perd. Pour plusieurs raisons. D'abord, il n'a peut-être pas mesuré que Jean-Marie Le Pen était peut-être pour le Front National un boulet, en tout cas quelque chose qui empêchait le Front d'être un parti majoritaire, mais que pour la part significative de la population qui votait pour le Front National, eh ben beaucoup le faisaient quand même parce que c'était Jean-Marie Le Pen. Oui. Le style, l'homme, la façon de parler, les provocations, tout ça était à la fois pour le FN un plafond, et tout ça était à la fois aussi le premier argument de vente, la tête de gondole du parti. Donc, le FN sans Jean-Marie Le Pen, eh ben, c'était déjà très compliqué. Bruno Maigret est un type qui n'a pas un énorme charisme, ni au physique, ni à l'éloquence, ni à la... Voilà, c'est pas la même chose. Bruno Maigret, il pense que si on fait tout bien, si on utilise les bons mots, si on a quelque chose de professionnel, d'organiser sa marche, et peut-être qu'il oublie que, justement, il y a cette flamme lepéniste, qui parfois... C'est un peu... Elle brûle, mais elle réchauffe aussi. C'est un peu Maigret une transplantation, parce qu'il n'a pas l'ADN du Front National, en fait. Voilà. Et finalement, le corps le rejette. Il y a ça, et alors après, il y a aussi d'autres, ça n'est pas la seule raison. Maigret n'arrive pas à récupérer ni le nom, ni l'argent du Front National. Mmh. Il perd en justice le procès contre Jean-Marie Le Pen. Et puis, il y a les élections européennes qui arrivent, vite après, où le Front National lui passe devant. Pas de beaucoup, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, c'est des petits scores, mais... C'est fini. Une fois que il perd son premier match électoral contre le Front, eh ben il y a déjà c'est rattrapable. Il y a déjà un parti dominant et ouais. Lui il est déjà le challenger. Il ne refera jamais ce retard. Alors Dominique Albertini, ça va se terminer de façon spectaculaire, comme sur une scène de théâtre, comme d'habitude cette affaire-là, et on va voir ça dans 3 minutes. Jamais aisé de juger sur la mine. Nous ne choisissons pas, on est choisi par eux qui se font une tête d'imbéciles heureux et nous donnent le change en mettant la sourdine. Toujours là, toujours prêt, disponible et serviable, nageant comme un poisson dans la compromission. Un sourire accroché à cet air voulu con qui cache adroitement un autre air implacable. Mon ami, mon Judas, joue le jeu, ne te gêne pas. Courtise-moi, fais des courbettes. Jure que tu es mon ami, dévoué, sincère et honnête. Que c'est à la mort, à la vie, fais-toi tout humble et tout sourire. Dis-moi que j'ai un charme fou, que j'ai de la classe et du goût. Et passe la brosse à reluire, ça ne te coûte pas un sou. Nous facilitons tout, nous évitons les drames. Ils sont pour nous aider, prêts à n'importe quoi, même complaisamment, à nous border parfois. S'ils nous trouvent au lit, couchés avec leurs femmes, prêts à veiller la nuit, prête à danser la gigue pour mieux nous amuser, prête à se mettre nu, acceptant s'il le faut le coup de pied au cul, se baissant gentiment pour pas qu'on se fatigue. Mon ami, mon Judas, prends le physique de l'emploi, flatte-moi de mon élégance, dis-moi que je suis bon et bon. Une étonnante intelligence, que je choisis bien mon Bordeaux, mange mon caviar, à la louche. Fume mes Havana au kilo et tapis derrière mon dos. Dominique Albertini, donc on a raconté la tentative de Bruno Maigret de faire une OPA sur le Front National. On sait comment ça se termine. Mais alors, plus précisément, pour achever Maigret, lors d'un meeting, Jean-Marie Le Pen prononce cette phrase, qu'on a d'ailleurs entendue dans la fiction. Ce qui me différencie de César, qu'approchait Brutus le couteau à la main et qui releva sa toge pour se couvrir, c'est que moi, je sors mon épée et je tue Brutus avant qu'il ne me tue. Alors, il se compare à César, c'est quand même une référence historique un peu facile et un peu grotesque également. Oui, mais le spectacle, mais il faut s'offrir un spectacle. Mais vous avez raison de parler du mot spectacle. Imaginez l'effet produit sur une salle de militants qui se félicitent d'avoir survécu à la plus grande entreprise de trahison politique, hein, selon eux, depuis des années. Donc c'est formidable pour. Il faut toujours, quand on parle du Front National, essayer aussi de se projeter dans ce que peuvent à ce moment-là voir, entendre, ressentir des militants qui ont le sentiment d'être les damnés de la terre, d'être détestés par tout le monde, d'être en marge de tous les systèmes politiques, médiatiques, culturels, et de voir en Le Pen celui qui ramasse le drapeau dans le caniveau et puis qui parle pour eux, qui montre le poing, qui tempête, qui en fait des tonnes. Et je crois que ça leur fait beaucoup de bien. Donc, c'est évidemment quelque chose d'un peu troublant, un peu grotesque, un peu bizarre, mais ça participe aussi de ce lien qu'établit et que nourrit Jean-Marie Le Pen entre ses militants et lui, et que par exemple, cette phrase-là, dans la bouche de Bruno Maigret, qui n'aurait sans doute jamais songé à la prononcer. Oui, ça passait pas. Et donc ça permet aussi de mesurer. Ouais. Jean-Marie Le Pen peut dire ça et provoquer l'enthousiasme et l'amour de son auditoire. Et puis il va plus loin, il répudie publiquement sa fille Marie-Caroline qui suivait Maigret en direct sur TF1. Alors ça c'est vraiment violent parce que c'est quand même un père et une fille. Oui, et alors là évidemment on voit à quel point l'intime et le politique sont dans la famille Le Pen absolument indémêlables l'un de l'autre. Marie-Caroline Le Pen a suivi Bruno Maigret et son époux, maigrettiste convaincu. Jean-Marie Le Pen la renie et n'a renoué avec elle qu'assez récemment, d'ailleurs. Mmh. Voilà. Et donc c'est un jeu à mort, y compris au sein de la famille. Apparaissent d'autres noms, les numéros 2 maudits, Karl Lang, alors si broyé lui également par le clan Le Pen. Karl Lang, on estimait à un moment qu'il pouvait avoir de l'avenir et être... Oui. Pas du tout, comme les autres. Karl Lang, l'exemple d'un numéro 2 qui sans doute ne s'est peut-être pas imaginé prendre la place de Jean-Marie Le Pen. Oui, mais enfin, avoir quand même un destin. Fille. Voilà, ouais. Un destin. Et Karl Lang, lui, ce qu'il a fait tomber, c'est d'avoir dénoncé dans la montée de Marine Le Pen, soutenue par son père, une entreprise népotiste. Énormément condamné ça publiquement. Ça ne pouvait pas passer, toujours au nom de cette vision patrimoniale du Front National par Jean-Marie Le Pen. Le Pen papa ou Le Pen parrain ? Papa ou parrain, ouais. Oui, bien sûr, il y avait la dénonciation d'un Front National devenu un Front familial. Et ça, c'est quelque chose qui a un procès qui a la peau dure, parce que les adversaires du Front National, et y compris les sympathisants déçus, racontent souvent que le parti leur apparaît comme une entreprise de promotion des amis, des proches, et peut-être comme un moyen aussi de faire vivre des gens qui n'ont que ça. Alors, faut pas s'appeler Bruno quand on est numéro 2 du Front National, hein, ce que Bruno Maigret, on a vu. Voilà maintenant, Bruno Gollnisch. Alors lui, c'est celui qui reste sur le quai pendant 28 ans, quoi. Il attend. Ça marche jamais. Ah oui, c'est l'éternel numéro 2. Oui, et sur lequel Jean-Marie Le Pen a eu l'un de ses mots les plus cruels en disant que le sort des dauphins, c'est parfois de s'échouer. Et Bruno Gollnisch, encore un autre profil. Bruno Gollnisch, c'est l'extrême droite réactionnaire, contre-révolutionnaire, catholique. Et c'est un universitaire aussi, ce qui le distingue beaucoup des cadres du Front National. Et alors lui, il joue une autre carte, non pas celle du putsch, comme Bruno Maigret, mais celle du légalisme, puisqu'il attend patiemment, voilà, pendant des années, il progresse progressivement au sein du Front National, et puis il se voit quand même un destin, mais lui va choisir de le faire par l'élection interne, en se présentant contre Marine Le Pen, lorsque la succession de Jean-Marie sera ouverte. Tout sauf Marine. tout sauf Marine. Alors il regroupe derrière lui tous les gens qui considèrent que Marine Le Pen va beaucoup trop loin dans la dédiabolisation, qu'elle abandonne les fondamentaux du parti, qu'elle s'ouvre à tous les vents du modernisme, du voilà. C'est très dur à l'époque. Hein. Marine Le Pen, elle, si vous me passez l'expression, elle prend très cher de la part de gens du Front National qui considèrent qu'elle incarne quelque chose de tout à fait détestable. Mmh. Et donc Bruno Gollnisch, lui, c'est un registre sur lequel il ne va pas personnellement, mais il est soutenu par cette tendance du parti qui déteste Marine Le Pen. Voilà. Mmh. Et donc il y va, et il y va en imaginant même peut-être avoir une chance d'être soutenu par Jean-Marie Le Pen. Il s'est cru être le vrai dauphin. Il raconte que Jean-Marie Le Pen le lui a dit « Ce sera toi un jour, Bruno ». Et il voit ça lui passer sous le nez. Il le vit, je crois, assez douloureusement, parce qu'il considère que c'est une vie de fidélité assez mal récompensée. C'est très long, oui. Et notez bien qu'il n'en tient pas à tant rigueur que ça à Jean-Marie Le Pen, puisque il fait toujours partie aujourd'hui de ses grands fidèles. Eh oui. Le dernier numéro 2, peut-être le plus intéressant, Florian Philippot, parce que lui aurait peut-être plus que n'importe quel numéro 2, peut-être même encore plus que Bruno Maigret, aura théorisé un changement de direction, un changement presque de paradigme politique auprès de Marine Le Pen. Il est important. Florian Philippot, c'est quelqu'un de très important dans les dernières années du Front National. C'est quelqu'un qui se persuade qu'on peut faire définitivement rompre le Front National avec son historique de passé d'extrême droite. Tout ce qu'on a raconté. On peut en faire un parti patriote, social. Fréquentable. Respectable. Voilà, capable de nouer des alliances à droite et à gauche. Et alors, on entend souvent dire qu'il aurait lavé le cerveau de Marine Le Pen, qu'il aurait converti Marine Le Pen à ses thèses. Je ne crois pas. Je pense que Marine Le Pen, au fond, c'est aussi sa vision des choses. Florian Philippot, sans doute, l'a poussé un peu plus loin sur cette pente-là, mais c'était déjà la sienne. Elle l'avait déjà dit, elle l'avait déjà écrit, et elle trouve dans Florian Philippot un partenaire idéal, alors qu'il y a bien des avantages. D'abord, d'être d'accord avec elle sur ce projet-là. Ensuite, ils s'entendent très bien, ils sont franchement amis. Et ensuite, il ne vient pas du Sérail, il n'a pas partagé cette histoire du Front National, il n'a pas été associé à toutes ces guerres internes. Et donc, ça en fait l'acolyte idéal pour le grand coup de balai, la grande rénovation que projette Marine Le Pen sur le parti. Et la mise au banc, la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen. Il en est quand même, il a essayé d'en être l'un des artisans. Et dont je suis convaincu que ça a été un projet qu'il a eu dès le premier jour. Voilà, ça n'est pas venu en cours de route. Hein. Il a sans doute toujours été convaincu qu'il faudrait un jour ou l'autre en passer par là. Voilà. Et il y est arrivé, d'ailleurs. Il y a énormément contribué. Il ne lui a pas survécu longtemps. Voilà, quelque part, Jean-Marie Le Pen, alors, n'est plus membre du Front National, en a été mis dehors, mais il a eu sa dernière revanche, il a gagné son dernier combat contre un numéro 2, ouais. Même à son âge, même de l'extérieur du parti. Mais quand même, est-ce qu'il n'a pas le sentiment que Philippot représente, symbolise sa fin politique, quelque part? Qu'à travers Philippot, il voit une mort politique? Il pense que Philippot est en train de dénaturer le parti auquel il a consacré sa vie. Voilà. Je ne sais pas s'il y voit une fin politique. Je suis pas sûr qu'il se soit placé sur le même plan que Florian Philippot. Je suis pas certain qu'il ait considéré qu'ils boxaient l'un et l'autre tout à fait sur le même ring. Honnête. Les conséquences et les effets sont là quand même. Oui, c'est vrai que Florian Philippot, au moment où Jean-Marie Le Pen s'en va, tous les observateurs considèrent qu'il a remporté une victoire absolument majeure et que peut-être la suite de l'histoire du Front National va devenir quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait inattendu. Il ne prend pas en compte d'autres paramètres qui sont certains invariants dans la mentalité collective du parti, dans son organisation. Florian Philippot ne mesure pas aussi à quel point il s'est rendu odieux à beaucoup d'autres cadres dirigeants du Front National. Ce sera le mot de la fin de Dominique Alberti. Merci. Merci pour toutes ces précisions sur l'histoire du Front National et votre collaboration à cette série sur le Front National et la famille Merci Le Pen à vous. En 4 épisodes. Merci infiniment, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jeanne revient, 3e épisode, Bruno Cru, Bruno Cuit.